la grande ville de Paris. Dans la grande ville de Paris. Il y a des bourgeois bien nourris. Il y a des bourgeois bien nourris. Il y a les miséreux qui ont le ventre creux. Ceux-là ont les dents longues, vive le son, vive le son. Ceux-là ont les dents longues, vive le son de l'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion. Il y a les magistrats vendus, il y a les magistrats vendus. Il y a les financiers ventrus, il y a les financiers ventrus. Il y a les argousins, mais pour tous ces coquins, il y a de la dynamite, vive le son, vive le son. Il y a de la dynamite, vive le son, l'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son, l'explosion. Il y a les sénateurs gâteux, il y a les sénateurs gâteux. Il y a les députés véreux, il y a les députés véreux. Il y a les généraux, assassins et bourreaux. Boucher en uniforme, vive le son, vive le son. Boucher en uniforme, vive le son de l'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son de l'explosion. En nom de Dieu, faut en finir. En nom de Dieu, faut en finir. Assez longtemps, j'aimerais souffrir. Assez longtemps, j'aimerais souffrir. Pas de guerre à moitié, plus de lâche pitié. Mort à la bourgeoisie, vive le son, vive le son. Mort à la bourgeoisie, vive le son d'explosion. Dansons la ravachole, vive le son, vive le son. Dansons la ravachole, vive le son d'explosion.